Cela s'est passé à Londres au XIXe siècle. Un certain dimanche matin, par une tempête de neige, un jeune homme pénètre dans une modeste chapelle. 7 ou 8 fidèles sont là, attendant vainement le pasteur qui n'a pas pu venir au lieu de culte à cause du blizzard. Le jeune homme s'assied au dernier rang. Tout le monde attend. Finalement, un paroissien se lève et monte en chaire. C'est un homme de la campagne, sans préparation théologique, mais qui aime le Seigneur. Il ouvre la Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 45, et proclame avec force l'invitation de Dieu au verset 22 « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Puis il s'adresse au jeune homme assis au fond de la chapelle. « Jeune homme, si vous voulez être sauvé, ne regardez plus en vous, mais tournez-vous vers Christ et recevez le salut par la foi ». Cette courte prédication a répondu aux besoins profonds de ce jeune homme. C'était Charles Spurgeon. Il était à la recherche de Dieu. Le dimanche, il passait d'une église à l'autre dans le désir de satisfaire sa soif de connaître la vérité. Transformé par la grâce de Dieu, Spurgeon est devenu prédicateur de l'Évangile. Et son ministère a été si extraordinairement béni qu'on a dit de lui que pendant 20 ans, il ne s'est pas écoulé un seul jour sans qu'il n'amène au moins une âme au salut. Cependant, lorsque nous nous trouverons devant Jésus-Christ et qu'il distribuera ses récompenses, qui recevra la plus grande? Le célèbre prédicateur Spurgeon ou l'humble agriculteur qui, en ce matin de tempête de neige, avait amené Spurgeon au salut? Pour ce qui est des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul au premier siècle, ils recevront eux aussi leur récompense, car Dieu a vu leurs actes de fidélité, leur degré de consécration et le prix qu'ils ont payé pour suivre le Seigneur ici-bas. Car ces hommes, souvent peu connus, savaient payer de leur personne pour la cause de l'Évangile. Prenons à témoin Jason, un chrétien de la ville de Thessalonique, au nord de la Grèce. Paul et Silas venaient d'y arriver, et Dieu a béni leur prédication, mais l'opposition n'a pas tardé à se manifester. Les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Acte 17, versets 5 à 10. Le fait d'avoir reçu les apôtres expose Jason et les autres croyants de la ville à la colère des ennemis de l'Évangile. Comme toute la ville est en émoi, les magistrats laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Acte 17, verset 9. Dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre rappelle ses débuts à Thessalonique et peut-être pense-t-il aux circonstances dramatiques de l'arrestation de Jason lorsqu'il écrit « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. » 1 Thessaloniciens 1, versets 6 et 7. Jason est un modèle pour les croyants de tous les siècles en payant de sa personne pour épargner des coups aux apôtres. Et nous, sommes-nous prêts à payer de notre personne pour que l'Évangile soit proclamé et pour que les serviteurs de Dieu soient protégés et puissent poursuivre leur ministère? Sommes-nous prêts à souffrir à notre tour, à nous compromettre pour la cause de Jésus-Christ, à donner ce qui nous coûte pour que notre bien-aimé Sauveur soit glorifié? Le voyage des apôtres se poursuit en Grèce. Après l'étape de Thessalonique, ils vont à Bérée, à Athènes, puis à Corinthe où ils prolongent leur séjour. Paul prêche d'abord dans la synagogue, mais comme les Juifs ne reçoivent pas son message et l'injurie, le jour est venu où il annonce en pleine synagogue « Dès maintenant j'irai vers les païens » et sortant de là, il entre chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison est contiguë à la synagogue. Acte 18, versets 6 et 7. Or, un événement inattendu bouleverse alors la société traditionnelle des Juifs. Crispus, le chef de la synagogue, se décide pour Jésus-Christ en prenant franchement position pour lui et en se rangeant aux côtés des apôtres. Nous lisons « Cependant, Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. » Acte 18, verset 8. Par son baptême, dont Paul parle en 1 Corinthiens 1, verset 14, Crispus témoigne devant tous qu'il renonce à son ancienne vie, qu'il rejette le culte de la synagogue et qu'il adhère de cœur à la foi des chrétiens. Il sait que ça lui coûtera son poste à la tête de la synagogue, mais il ne reculera pas. Quant aux Juifs de Corinthe, ils s'empressent de remplacer Crispus à la tête de la synagogue et nomment Sosthène à sa place. Il est question de lui quelques versets plus loin dans ce même chapitre 18 du livre des Actes. Et comme les Juifs en veulent à Paul, ils fomentent une émeute et mènent Paul devant le tribunal de la ville. Mais le proconsul Gallion, qui sans doute veille à son prestige électoral, ne veut pas se rendre impopulaire en prenant parti dans un débat qui oppose deux fractions importantes de la population. D'une part, les Juifs très influents dans cette ville au commerce florissant, d'autre part, les chrétiens de plus en plus nombreux aux côtés de Paul. C'est pourquoi il déclare « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque mauvaise action, je vous écouterais comme de raison, ô Juifs. Mais s'il s'agit de votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion s'en mette en peine. Acte 18, versets 14 à 17. Sosthène, le nouveau chef de la synagogue, n'était pas nécessairement le promoteur du débat qui opposait juifs et chrétiens. Montrait-il déjà des dispositions favorables envers l'Évangile? Nul ne le sait. Mais sans doute que les coups reçus injustement de ses coreligionnaires l'ont convaincu de rejoindre le camp des chrétiens. Lorsque nous retrouverons Sosthène dans les épîtres du Nouveau Testament, il nous est annoncé comme un frère fidèle, se tenant résolument aux côtés des apôtres. Il est devenu compagnon d'œuvre de Paul. Il est même si étroitement associé à son ministère que Paul adressera d'Éphèse une lettre sévère aux chrétiens de Corinthe. Il s'appuiera sur Sosthène pour les exhorter. Nous lisons « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, est le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Les compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul ont payé de leur personne pour la cause de l'Évangile. Pour Jason, c'est le versement d'une caution devant les magistrats. Pour Crispus, l'ancien chef de la synagogue, c'est la perte de sa fonction et de son prestige dans la communauté juive de Corinthe. Pour Sosthène, c'est un châtiment corporel injuste qui l'a poussé à prendre fait et cause pour les apôtres. De très nombreux chrétiens souffrent aujourd'hui. Ils affrontent courageusement l'injustice, comparaissent devant des tribunaux ou travaillent 12 heures ou plus par jour dans des conditions exécrables, derrière les barbelés des camps de concentration. Soyons toujours reconnaissants au Seigneur pour les libertés dont nous jouissons. Mais ne soyons pas non plus surpris de devoir parfois payer de notre personne pour prouver au Seigneur notre attachement. Peut-être n'avez-vous jamais été physiquement battu en raison de votre fidélité à Jésus-Christ, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas enduré les souffrances d'un autre ordre pour la cause de l'Évangile. De toute manière, il faut être prêt à souffrir pour devenir compagnon d'œuvre au service de Jésus-Christ. Dans cette perspective, parlons pour terminer d'un quatrième compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. D'abord, nous lisons de lui qu'il est compagnon de voyage de Paul. Acte 19, verset 29 et acte 27, verset 2. Mais le fait de voyager avec Paul ne fait pas encore de lui un compagnon d'œuvre. C'est lors de leur arrivée à Rome qu'Aristarque donnera des preuves de consécration lorsqu'il accepte l'emprisonnement avec Paul. Compagnon de captivité, lisons-nous en Colossiens 4, verset 10. Dès lors, l'apôtre se réfère à lui comme un compagnon d'œuvre. Épître de Philémon, verset 24. Compagnon de voyage, compagnon de captivité, compagnon d'œuvre. Nous sommes peut-être bien disposés vis-à-vis de Dieu, participant occasionnellement à un culte ou à une réunion, mais sommes-nous disposés à prendre parti pour Jésus-Christ? Sinon, nous ne sommes que compagnons de voyage des chrétiens. Ou bien sommes-nous devenus un compagnon de captivité, c'est-à-dire un compagnon de souffrance, prêt à endurer l'injustice et les coups par amour pour notre Sauveur? Ainsi et ainsi seulement, nous serons compagnons d'œuvre de l'Église militante du Seigneur. Cette Église à la fois invisible et universelle, où la vraie vie du Saint-Esprit se manifeste dans la mesure où l'Église accepte la croix de Christ et s'identifie dans la souffrance à son Seigneur. Chers auditeurs, voulez-vous être du nombre des témoins décidés pour le Seigneur ?